Activité 4, page 43, piste 33. A. Léo, tu finis tes devoirs en retard. B. Nous finissons le projet demain. C. Les enfants, vous finissez le livre ce soir? D. Moi, je finis toujours mon travail à temps.